Alexandra, tu vas aimer ça, je pense. Oh. Parce que c'est les meilleurs moments de l'année au grand complet, première partie. Oh my God. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis de janvier à avril 2012. Avec des affaires, genre avec des effets sonores dedans, comme des onomatopées, tu sais, genre. OK. OK. Tu sais, genre. Ça, c'était quoi? Un fusil? Un fusil radioactif. OK, ah, ouais, OK. Clairement. Oh. Mentionne-le. Sur ce fou. C'est bon, ça? Je m'ennuie de ça, moi. Ben oui, mais gars, je te joue. Ben ouais. T'arrêtes de chialer, cabotard! T'es délicieux. Ça donne des frissons. De dégoût. Remets ton chandail. Plein de bonnes chroniqueuses. En fait, c'est la journée Girl Power aujourd'hui. Oh. Oui. C'est pour ça que t'es déguisé en fille. Assemblage requis aussi gage de qualité. Tu l'as dit. C'est ça. Faire l'animation, mais au moins musicalement, quand on en joue, on essaye de mettre de la bonne musique. OK, ta gueule. Oui, mais il est tellement pourri que tu remarques même pas. François, mais merci. Ça, merci. Pas nouveau, hein. Bon, ben. Mais si c'était pas de ça. Il est bien fin. Pas autant, ouais, il est tellement fin. Il est fin. Je suis attaché. OK, avec des jeux de mots, tous plus douteux les uns que les autres. Ça m'écœure de pommes. C'est ça. C'est ça. C'est, oui. Fait qu'on va commencer l'émission. On va start moi ça aux pommes. Start aux pommes. On start aux start pommes l'émission. Start aux, ouais. Tabarouille. Ça, ouais. Oui. Okay. C'est bon. Simon Fitzbé. Hey. Ouais. Hey. Allô. Je suis en train de dégeler de la face. Fais des exercices de bouche. Le camp, c'est un organisme vraiment qui est en feu. Alors la balle est dans le camp. Aïe! Et ça te brasse la cabane dans le camarade. Dans le camarade. Brasse camarade dans la cabane. Brasse cabane dans le camarade. Les noms de villes les plus bizarres aux États-Unis. Toad Sock ou suçage de crapaud. Toad Sock. C'est la ville en Arkansas. J'aime bien que tu dis suçage de crapaud, Mathieu. Oui, ben ça me fait plaisir de traduire ça. C'est à l'oreille. Elle nous fait tout le temps les expressions faciales, les émotions qu'on fait, juste on sait jamais. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. C'est quoi le cri d'une Anne-Julie Durocher, mettons? Elle est... Tu sais, quelque chose qui s'apprête à chialer avec une voix d'enfant. École. Qui s'apprête à chialer, c'est fin, c'est ça. Je trouve beau ce matin. Ah, Colin, je trouvais mon chandail un petit peu trop serré. Non, c'est pas si pire. What? Ouais. Une petite bedonne qui ouais, essaie de sortir. C'est ça, merci de me rappeler. Les gars, tu sais, ça peut pas être Connor Crisp. C'est un sound. J'espère que Crisp avait bien mis du tape sur sa palette. Palette de chocolat, Coffee Crisp. Yeah! Ho! Oh yeah! Oh yeah! Hoo-ha! Hoo-ha! C'était une bonne chronique, Nick. Merci Nick. Est-ce que tu t'essayes sur l'entrée? Attention, François. Attention. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rick. En ce jeudi 8 mars 2012, moi, c'est Mathieu Plante. Est-ce qu'on peut dire, je pense qu'on laissait tomber assez d'indices depuis le début de l'émission, mais François et Amélie sont un menum, chubby, chubby, chubby, squick, squick, comme on dit. C'est, ouais. Écoute, Mathieu, on aimerait bien être menum, chubby, chubby, squick, squick avec toi, mais... OK. C'est étant dit, donc, une petite chanson, puis merci beaucoup. Bon voyage bon à voyage. Toi. Merci. Et à toute l'équipe. Bye bye. Je vous embrasse. Ah, merci. Ouais, squick, squick, là. Bye. Et moi, je vous souhaite de passer une belle petite émission. Un bel tout méchant, guili guili, en dessous du cou. Hein? On veut aussi parler à quelqu'un de l'AGUQTR, donc. Un camion a demandé un troisième engin. Un camion a demandé un troisième engin. Pointez-vous dans le studio, là. Il dit que son but est de rendre la masturbation moins tabou. Et lui, il veut qu'on traite, non seulement il veut enlever le tabou autour de ça, mais il veut qu'on traite ce hobby-là comme un vrai sport. Là, c'est là que l'opinion diverge ouais, un petit peu. Diverge! J'ai diverge, François. Il nous reste une dernière pièce dans ton petit bloc que tu nous as choisi, un bloc plus mouvementé. Plus mouvementé. Oui, oui, pour les jeunes. On aurait dit que la grand-mère parlait. Coup de circuit à chaque fois, lui. Hein? Ça, c'est plus un fouet, je pense. Ouais. non? Ça ressemble plus à ça. Ouais. François, on va parler de choses geeks maintenant. Oh. Je te demande de faire un rap. Un rap, là, là. Faut que tu m'avertisses un peu d'avance. Puis okay. J'écris des mots qui riment ensemble et puis je te fais une petite tonne. Et que t'es débutant. Vas-y donc, toi. Wiki. CNX, c'est dans la vie, c'est dans la technologie. CNX, c'est la vie. Parce que les autres, ils ont pas besoin de se coucher tard. Faut se coucher tard pour savoir qu'est-ce que tu fais dans ton ordinateur. Tar. Son starter, wiki. Ok, c'est assez. Ça va faire? Ok, on arrête. Commence par M. Tri, c'est l'émission de qui ici? Ben, fais François. Ferme son micro. Oups, je me suis enfergé. Allez, David. Ris longtemps. Super. C'est un cours d'initiation au tango argentin. Et c'est 30$ plus taxes. Ah, c'est ce que j'allais te demander, combien ça allait coûter d'argentin? Argentin. Ouais. 8h36 minutes en ce lundi pluvieux. En tout cas, il est pas moins jeune. Hein? Il est pas moins jeune. Il est plus vieux. Ça va pas. C'était le festival du jeu de mots douteux et inconfortable, ça, hein? C'est pas mal ça, ouais. Ça moi, tombe à plat pas mal. Ça, ben, c'était drôle. Oui, c'était drôle. Drôle dans le sens d'inconfortable. Mais on aime ça, ce genre d'humour-là, nous autres. Hein? C'est ton humour préféré, Mathieu. Moi, en tout cas. C'est dans celui-là que tu excelles, en tout cas. Oui, ben, une chance, hein. Tu sais, parce que. Tu sais, dans le sens que. Tu sais, dans le sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, pas tout. Okay. On va dire que. Donc, c'est les meilleurs moments du mois de janvier à avril 2012. Fait qu'il en reste encore le double. Ouais, ben, pas le double, mais je veux dire. Un petit peu plus long, mais à peine. C'est ça. Un autre bloc de septembre, octobre et novembre. Oh, chnounou! Et chnounou! J'ai pas mis le mois de décembre, c'est trop récent. Faut que ce soit des vintage, old school edition, you know? Old school edition. You know? D'après moi, on va avoir beaucoup de différents là-dedans. Peut-être, hein? Peut-être.